بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. في الدرس الماضي أخذنا المعطلة. Après qu'on ait pris les مشبهة avant eux. المعطلة كنا ينقسمون إلى كم؟ ذكرنا هذا. نعم. فتسون دو 4 كاتيجوري on a pris les أشاعرة. الشاعرة نسبة إلى من؟ أبو موسى الأشعري. لا عندي لا لا عندي الفرقة لا سكت. لا نسبة إلى من؟ من مؤسس هذه الفرقة؟ كي سي كي فوندي سيت سكت؟ نعم. مؤاب لا شك ابو موسى صحابي علي بن اسماعيل ايوه نعم et lui c'est Ash'ari lui justement c'est la il remonte à la قبيله de Abu Musa al-Ash'ari et c'est quoi leur leur mazhab fi bab al-asma wa sifat al-asma كلها الاسماء لكن Il est sabah. À part 7. Et pourquoi ces 7-là, il les confirme? Parce que c'était en, ça coïncidait avec la Non. L'acte, il y a deux lourds à Et c'est pourquoi ils ont annulé les autres sifat? C'est quoi leur cause? Parce que pour eux, ça faisait un tajbir. Non. D'ailleurs, ils aiment le tajbir. Pareil. Alors, nous voici. في الفرقة الثانية المعتزلة المعتزلة المعتزلة هم أتباع واصل ابن عطاء المعتزلي سون الأتباع دو واصل ابن عطاء et lui واصل ابن عطاء était parmi les طلاب de الحسن البصري Et il s'est isolé de ses cercles et a formé sa secte par la suite, qui sont les Mu'tazila. Ils ont d'autres choses dans l'Aqida, Ma'aloufa. Là, on parle dans l'Asma Sifat. On n'est pas venu pour parler des Mu'tazila, de tout ce qu'ils ont. Là, on parle dans Bab, l'Asma Sifat, Fakot. Amaou, c'est Ma'alouf. Ils ont le Kolbi, Al-Manzila, Manzila Tay. Là, il y a la. Niveau intermédiaire. قال المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم. Là, c'est la deuxième firqa, المعتزلة, les gens de la philosophie. طريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات ويجعلون الأسماء أعلاما محضا. Donc, eux, c'est quoi? C'est qu'ils confirment les noms, mais pas les صفات. Et pour eux, les noms sont juste des appellations, des noms propres. C'est tout. Et on sait que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des a'lam, des noms propres, et également des awsaf. Le sens qui sort de ce nom s'applique purement pour Allah subhanahu wa ta'ala, à la wajh allazi yaliqu bih. Thumma minhum man yaqul innaha mutaradifatun bi fal'i innaha mutaradifatun fal'alim wal qadir was sami' والبصير شنو واحد et parmi eux certains disent que ces noms sont tous synonymes pour eux le alim et le qadir le samir le basir ça veut dire la même chose il y a pas de différence entre ces noms là ومنهم من يقول انها متباينه ولكنه عليم بلا علم قدير بلا قدره سميع بلا سمع بصير بلا بصر ونحو ذلك et d'autres parmi eux qui disent que ils sont différents ces noms sont différents mais ils en sortent La sifa. La sifa, pour eux, ils ne l'appliquent pas. Ils vont dire, il est alim sans ilm. Il est samir sans sam. Il est qadir sans kudra. Voilà. C'est-à-dire qu'il est samir, mais il n'entend pas. Il n'a pas d'ouïe. Il est basir, il n'a pas de vision. Il est alim, mais il n'a pas de science. C'est ce qu'il ressent. وشبهتهم أنهم يعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه لأنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلى الجسم والأجسام متماثلة فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. Donc c'est quoi leur choubouette? C'est comme les autres. C'est pour eux, affirmer les sifat, ça amènera à faire ressembler à la créature. Car pour eux, ils disent qu'il n'y a pas une chose qui naît de sifat sans qu'elle n'ait un corps. Et pour eux, les corps sont des choses qui se ressemblent. Donc tous ces mêmes choubouettes. Ils ont renié des choses pour ne pas tomber dans le tashbih. Ils ont voulu éviter un flanc pour ne pas tomber dans le ravin. Et à force de reculer, ils sont tombés dans l'autre flanc qui est derrière eux, qu'ils n'ont pas vu dans l'autre ravin. Pour lui marcher au milieu. T'évites un mal, et tu tombes parfois dans un mal encore plus grand. Car tu exagères. Tu vois, ils ont exagéré. وَرَدْ عَلَيْهِمْ مِنْ وُجُوهِ. Donc, il répond à leur شُبُهَتْ, de façon globale. Là, هنا. الْأَوَّلْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّ نَفْسَهُ بِأَسْمَاءٍ وَوَصَفَ نَفْسَهُ بِصِفَاتٍ فَإِنَّ كُلَّ إِثْبَاتٍ فَإِنْ كَانَ إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ يَسْتَلْزِمُ التَّشْبِيهَ فَإِثْبَاتُ الْأَسْمَاءِ كَذَلِكَ. Donc Allah il s'est nommé avec des noms, il s'est attribué des attributs, des sifat. Donc le fait, si on dit que affirmer ces sifat amène un tashbih, bon, on leur dira que affirmer ces noms également, dans votre raisonnement, ça amène un tashbih. وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا تَنَاقُضُ. Le fait de différencier entre cela et cela, c'est une contradiction. Parce qu'il n'y a pas de différence. كَمَا يُقَالْ الْكَلَمْ فِي الْأَسْمَاءِ وَكَلْ كَلَمْ فِي الصِّفَاتِ. Parler sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme parler sur le sifat. C'est le même. C'est le même mot d'ordre. Et parler sur ذَاتِلَّهِ, c'est comme parler sur ses noms attributs. Car on ne peut dénuer une essence de ses attributs. L'attribut fait partie de la chose. Alors c'est une chose spécifique, mais elle fait partie de la chose. فإما أن يثبت الجميع فيوافق السلف وإما أن ينفو الجميع فيوافق غرات الجمعية والباطنية وإما أن يفرقوا فيقعوا في التناقض. Donc on dit soit ils affirment le tout et là ils seront en concordance avec la voix des salaf, ou soit alors ils refusent tout et là ils seront comment, en concordance avec les exagérateurs des Jahmiyyah et des Batiniyyah qu'on va apprendre inchallah fi dars al-ati, ou alors ils divisent, comme eux le font actuellement, là, entre les Asma et les Sifat, et ils tombent dans la contradiction. Donc ça, c'était la première réponse. Athani anna Allah ta'ala wasafa asma'ahu biyana husna wa marana bi du'a'ihi biha faqala wa lillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Donc deuxième chose, c'est que Allah a qualifié ses noms comme étant les plus beaux. Il nous a ordonné de l'appeler avec, de l'invoquer avec ces noms-là. Dans le sens où il dit que à Allah appartient le plus beau nom, alors invoquez-le avec. Surat al-A'raf, verset 180. Donc cela implique que ces noms, justement, ont des sens. D'accord ? Ces noms ont un sens. Et que ces sens sont pour nous un moyen de pouvoir invoquer. Donc on ne peut enlever ces sens de ces noms. Le nom, tu peux le déduire de son sens, c'est pas possible. Sinon, il n'y a plus de sens à invoquer Allah par ces noms-là. C'est comme si tu prenais un son et t'invoquais Allah avec n'importe quel son. Il n'y a pas d'intérêt. وَلَوْ كَانَتْ أَعْلَامًا مَحْضَةً لَكَانَتْ غَيْرْ دَالَّةٍ عَلَى مَعْنَى سَوَى تَعْيِينَ الْمُسَمَّى فَضْلًا أَنْ يَكُونَ حُسْنًا وَوَصِلَةً فِي الدُّعَاءِ. Que si jamais c'était juste des noms propres, qui ne prouvent aucun sens, en dehors du fait de désigner ce qui est nominé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'aurait pas été un moyen pour nous d'invoquer. Et que dire en plus qu'ils sont les plus beaux noms? C'est-à-dire cette beauté, où est-ce qu'elle apparaît? Est-ce que c'est dans la prononciation ou c'est dans le sens du mot? Dans le sens du mot. Parce que Allah wa alim, l'insan ou alim. On a dit que le ilm n'est pas pareil. Donc si le nom en lui-même était le plus beau pour sa nomination, on pourrait dire ça pour l'insan aussi. qu'il est l'asma al-husna. Mais là, Allah, asma al-husna, husn fil ma'na, c'est-à-dire du fait que son sens s'applique entièrement à lui de façon absolue. Donc enlever le sens du nom, ça enlève sa beauté. الثالث ان الله تعالى اثبت لنفسه الصفات اجمالا وتفصيلا مع نفي متماثله فقال تعالى ولله المثل الاعلى. Troisième réponse, que Allah s'est affirmé à lui-même des sifat de façon globale ou de façon détaillée, comme on l'a dit au début. Et malgré cela, il a renié toute ressemblance. Comme il a dit, et Allah à la description la plus haute. Sourate Nahl, les abeilles, verset 60. وقال اليس كمثل شيء وهو السميع البصير يحسن معروف وهذا يدل على ان اثبات الصفات لا يستلزم التمثيل ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضا. Donc comme on le redit encore, le fait d'affirmer les sifat n'implique pas une ressemblance, car si jamais c'était le cas, ça veut dire que Allah est contradictoire, comme dans ces versets dit qu'il a l'exemple le plus haut et que rien ne lui ressemble. Donc si on affirme ce que Allah a affirmé et on prend leur compréhension à eux, on va dire on va faire ce que Allah a dit, en même temps on va trouver ce que Allah ne veut pas qu'on fasse. Arabia, anna man la yattasifu bi sifat al-kamal la yaslah an yakuna rabban wala ilahan. Quatrièmement, que ce qui n'est pas décrit par les meilleurs attributs de perfection ne convient pas d'être un seigneur ni une divinité. ولهذا عاب ابراهيم عليه الصلاه والسلام اباه باتخاذه ما لا يسمع ولا يبصر اله فقال يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Pourquoi? C'est pour cela que Ibrahim alayhi salam lui-même a réprimandé son père Aza, qu'il ait pris une chose comme une divinité qu'il n'entend pas, qu'il ne voit pas. Comme dans le verset, dans le sens où Allah dit, Ibrahim dit à son père, oh cher père, pourquoi tu adores ce qui ni n'entend, ni ne voit, ni ne te sert à rien du tout. Surat Maryam, verset 42. Bila shak, hada wadih. Al-khamis, anna kulla wujudin labud lahu min sifa. Wa la yumkinu wujud dhat mujarradati an sifat. Que toute chose qui existe a forcément des attributs. Il n'est pas possible que tu trouves une essence existante qui soit dénuée d'attributs. C'est pas possible. وحينئذ لابد ان يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقه به. Donc c'est pour cela que celui qui est présent, dont la présence est obligatoire, c'est-à-dire Allah, il est obligatoire qu'il ait des attributs qui lui reviennent à lui et qui lui conviennent à lui. السادس ان القول باسماء الله اعلم محضه مترادفه لا تدل على ذات الله فقط قول باطل لان دلاله الكتاب والسنه متضافره على ان كل اسم منها دال على معناه المختص على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد. Le fait que ils disent que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont juste des noms synonymes, ce qui ne prouve en rien l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, son entité, ça c'est une parole qui est fausse. Car justement, combien de preuves du kitab de la sunna s'accordent en disant que chaque nom a un sens qui lui revient et qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également que tous ces noms, même s'ils sont plusieurs, malgré leur grand nombre, leur multitude, tous reviennent à un seul être. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. فالله تعالى هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير والمسمى والموصوف واحد والاسماء وصفات متعدده. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné tous ses noms, Hayy, Qayyum, Sami', Basir, tous, alors qu'il est une seule et même chose. Et alors que les noms et les attributs sont plusieurs, sont multiples. Ala tara anna Allah ta'ala yusammi nafsahu bi ismayn aw akthar fi mawdi' wahidin ka qawlihi wallahu alladhi la ilaha illa huwal malik al quddus as-salam al mu'min al muhaymin al aziz al jabbar mutakabbir walau kanat al asma mutaradifatan taradufan mahdhan lakana dhikruha mujtami'atan lahwan min al qawl wal ya'dam al fa'idah. Ne vois-tu pas que Allah dans différents versets s'est souvent nommé avec un nom, même plus encore d'affilée, comme dans sa parole où il dit qu'il est Allah, celui qui n'a d'autre divinité en dehors de lui, c'est-à-dire d'Inatoré, c'est lui le Malik, le Quddus, le Salam, le Mu'min, le Muhaymin, le Aziz, le Jabbar, le Takabbir. Donc si jamais ces noms étaient tous juste des synonymes, des simples synonymes, c'est-à-dire qu'ils ont tous le même sens, et qu'ils auraient été, et que Allah les a tous été d'affilée ensemble, c'était une parole futile qui n'a pas de sens. Elle n'aura pas de sens, sa parole. Ça revient à dire, toi tu es un être humain, tu viens, tu dis, dans sa lettre, tu t'appelles Zayd, tu dis je suis Zayd, je suis Zayd, je suis Zayd, je suis Zayd, je suis Zayd. On va dire ça à quoi? Dis-le une fois, ça suffit. Bon. Ben, c'est ça qu'il veut dire quand il dit Mouradif, c'est-à-dire que c'est des noms qui ont le même sens. C'est la même chose. Ils ne veulent pas dire qu'il y a une différence. Des fois, tu as des synonymes, peut avoir une différence. Un ressemble à ce sens-là, mais il y a une ziyada dans le ma'ana. Eux, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent te dire que tous ces noms-là, c'est la même chose. Il y a rien de la même chose. Donc, tous ces noms cités d'affilée n'ont aucun sens, n'apportent aucune utilité. As-sabi'a, septième. أن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم وقدير بلا قدرة والسميع بلا سمع ونحو ذلك قول باطل مخالف مقتضى اللسان العربي وغير العربي. Le fait de dire que Allah c'est un alim sans ilm, un qadir sans qudra, un samia sans sam, autre, c'est une parole qui est totalement fausse et qui s'oppose totalement à ce qu'implique la langue arabe et autre que la langue arabe. فإن من المعلوم في اللغة جميع العالم أن المشتق دل على المعنى مشتق منه وأنه لا يمكن أن يقال عليم بلا علم له ولا قدير بلا قدر لمن قدرة له ولا سميع لمن طيب وإنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له ولا قدير لمن لا قدرة له ولا سميع لمن لا سمع له ونحو ذلك car il est connu dans toutes les langues. Ça, c'est une chose qui est universelle, qui n'est pas liée forcément à la langue arabe. Qu'un un sens dérivé implique le mouchtok, c'est une chose qui a été dérivée d'une autre chose. La salène, un exemple en français, on va dire grand, c'est un dérivé de grandeur. Donc, quelqu'un qui est grand a forcément de la grandeur. Et ça pour tous les mots. Donc maintenant, même en langue française, en anglais, toutes les langues qui existent, un dérivé ramène forcément le sens de la chose dont il a été pris. C'est obligatoire. Donc tu ne vois pas quelqu'un, on dit « les Samir », il n'a pas le Sam. Ça n'existe pas. Tu dis « Foulen », les Samir. Mais il n'entend pas. Tu dis « il n'est pas Samir alors ». Même un être humain, tu dis « il entend », mais il est sourd. Tu dis « non, il est sourd, il n'entend pas ». Foulen, il voit, mais il n'a pas de vue. Tu veux dire plutôt Foulen, il est voyant, mais il n'a pas de vue. Tu dis Foulen, il est savant, mais il n'a pas de savoir. On va dire, c'est ça rien ce que tu dis là. S'il n'a pas de savoir, ben, il n'est pas savant. C'est logique. Donc, qu'en est-il pour le Créateur, qui lui a la science absolue, qui a la vue absolue. Donc, c'est des calèmes, ils ne savent rien du tout. C'est totalement absurde. وإذا كان كذلك تعين أن يكون اسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه من الصفات اللائقة به فيتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسماوات. Donc, il est certain que Allah subhanahu wa ta'ala, les noms qui lui sont attribués, et tout ce qu'on est dérivé, c'est-à-dire comme sifat, qu'on dit dérivé, c'est-à-dire dans l'origine du mot, ça vient de la même racine ou quoi. Il est certain que Allah va être qualifié par les choses qui en sortent comme sens et de façon qui lui revient. Elle l'a écabi, comme on l'expliquait au début. Donc là, on doit affirmer ses noms et ses sifats pour le Seigneur du ciel et de la terre, ou des cieux de la terre, obligatoirement. Tu vas dire Khaliq, mais il a pas fait de Khaliq. Alors pourquoi tu appelles Khaliq? Tu n'appelles pas Khaliq. الثامن أن قولهم لا يوجد شيء متصف بالصفات إلى الجسم ممنوع فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بالجسم. Et leurs paroles qui disent qu'il n'est pas une chose qui soit décrite sans qu'elle ne soit un corps. On dit ça, c'est une parole, elle n'est pas vraie car on trouve des choses qui sont décrites, qui ont des attributs et qui ne sont pas des corps. مثلاً ليل طويل, une longue nuit. Une nuit, tu l'as décrite comme étant quoi? Longue. Parce que c'est un corps, une nuit. C'est pas un corps. Nahar, qasir, une journée courte. Barat chadid, un froid intense. Har, khafif, une douce chaleur. Tout cela ne sont pas des corps. Et pourtant, on leur a mis des sifat. Voilà, anna idafat loves el jism il Allah ta'ala isbaten ou nanfiyen. من الطرق البدعية التي يتوصل بها للتعطيل للنفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. Et quand on fait d'attribuer à Allah un corps, soit en l'affirmant ou soit en le reniant, ben c'est parmi les voies innovées par laquelle tentent de parvenir les gens du tartil à refuser les sifat que Allah s'attribue lui-même. Le fait d'attribuer à Allah un corps, quand même, c'est une mas'ala qui est à part. Quelqu'un dit « Allah, il est un corps. » On dit « Attention à ce que tu dis. » Quelqu'un dit « Allah, il n'est pas de corps. » On dit pareil « Attention à ce que tu dis. » La masala, elle a besoin d'un tafsil. Car dans les deux, l'itlaq, il est khata. Donc, tu veux dire quoi par corps? Après, c'est notre masala, peut-être que dans le livre, ça a évoqué. On en a déjà parlé. Tu ne peux dire qu'Allah, il est un corps et tu ne peux dire qu'il n'a pas de corps. Mais tu dois faire un tafsil. Qu'est-ce que tu veux dire par corps? Non. Quel est le chalissem le plus dur à quoi là-dessus? التاسير أن قولهم الأجسام متماثلة باطل ظاهر البطلان فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره. Et que leur fait de dire que les corps ont des choses qui se ressemblent, leur dit c'est une parole également qui est fausse. Quand on voit très bien, nous-mêmes constatons que les corps sont des choses différentes. Là, j'ai parlé comme le corps du moustique et le corps de l'éléphant. Et quand on dit corps, des fois, le mot corps, pour une chose qui est concrète, palpable. On dit ça, c'est un corps. Pas dans le fait un corps, dans le fait un corps avec des membres, mais encore une chose qui existe, une substance existante qui est concrète et palpable, que tu peux toucher. وقال الشيخ المؤلف ولا ريب ان قولهم بتماثيل الاجسام كل باطل. Et que l'auteur lui-même, Cheikh Al-Islam Taymiyyah, dit que leur parole, que dire que les corps sont des choses qui se ressemblent, c'est une parole qui est fausse. Ça, c'est dans Majmou al-Fatawa. Je voulais prendre le Jahmiyyah, mais on va le prendre demain, Inch'Allah. On a qu'il faut aller au. On a pris le Mu'tazila, et comme je répète, le Mu'tazila qu'on a pris là, ou l'Ash'ariyya qu'on a pris hier, ou les autres qu'on a demain, c'est Fibbeb, la Somme Sifat, et dans les bases. Maintenant, tu as des Kutub Mutawwilat qui ont été écrits plus longs. Dans Selen, Ibn Qayyim, Rahmatullah Ta'ala, il a un livre, Khas al-Mawdu', qui s'appelle As-Sawa'iq al-Mursala. Un gros livre, après qui a été résumé, spécialement pour les Mu'tazila, un gros livre où il y aura toute la choubouhat. Il y aura toute la choubouhat et démontre la fausseté. Et là, c'est vraiment un tafsil. Bon, là, c'est juste des bases, mais ces bases-là, alhamdoulilah, à la base, tu les as acquises, le reste, c'est juste c'est pour compléter. Mais tu as ça avec toi, alhamdoulilah, demain, tu as un Ahbesh qui vient te voir, tu lui réponds facilement. Par contre, attention, les Ahbesh peuvent te frapper. Ils peuvent te frapper. Attention à ça, ils sont violents. T'as un qui se dit, comme ils disent en français, à charite, comme ils aiment bien dire, voilà, en prononçant la française. Avec ça, tu le réfutes facilement. Déjà, comme Bajirafil, comme tu m'as dit l'autre jour, qui se dit à charite, pour 10 ans, qui se dit à chari. Et ainsi de suite. Ces gens-là, avec ça, tu les réfutes facilement. Car c'est des gens du Kelem, philosophie seulement. Ils seront intelligents. طيب فنقف هنا اليوم وغدا كما قلنا الجهمية والفلاسفة إن شاء الله تعالى فإلى هنا والحمد لله رب العالمين